بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الثالث والعشرين 23e درس. Nous sommes rentrés dans le fossé de la foi en losange. Nous avons déjà appris un درس à ce sujet et nous allons le poursuivre. Et le درس précédent était essentiellement basé sur Jibril عليه السلام. قال في السؤال التاسع عشر بعد المئة 119e question. هل الملائكة أجنحة؟ Est-ce que les anges possèdent des ailes? نقول نعم. En effet, ils ont des ailes. C'est quoi la preuve? قوله تعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. Que Allah a créé les anges, a fait des anges, des messagers dotés d'ailes, ou de deux, ou par trois, ou par quatre, et il rajoute ce qu'il veut à la création. Fatir, créateur, verset 1. Donc les anges ont des ailes. Et attention, ces images que nous font les koufars des anges qui sont des hommes ailés ou des petits-enfants, ce qu'ils appellent les chérubins, des enfants nus avec des arcs et des ailes. Cela est une chose qui n'a aucun dalil en islam par rapport à cela. D'accord ? Donc là, Allah Azzawajal nous a décrit qu'ils ont des ailes. Après le reste, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? On ne le sait pas, hormis le Nabi Sallam qui a vu Jibril sous sa réelle apparence. Et les anges peuvent être de différentes tailles et de différentes apparences. Et leur a donné la faculté de pouvoir prendre forme humaine à certains d'entre eux. Thumakal, Adasuel al-Ishn Badalmiya, Kam Janahan li Jibril. Combien est-ce que Jibril a-t-il d'ailes? قال 600 جناح. Il a 600 ailes. Donc déjà, ça contredit cette image que l'on voit, que les chrétiens font de l'ange Gabriel, comme il l'appelle, qui est un homme doté de deux ailes, comme les ailes des cygnes. Jibril, il a 600 ailes. Comme a déjà fait Hadith Ibn Mas'ud, قال رب محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم a vu Jibril et il a 600 ailes. Et que Jibril est tellement grand qu'il couvrait toute la vue de l'horizon. Donc Jibril, il est immense également. Jibril, alayhi salam, est immense. Et toutes les fois qu'il est venu auprès du prophète, sallallahu alayhi salam, c'était sous l'apparence d'un homme, hormis deux fois. Comme cela va venir maintenant dans la Su'al, al-21 ba'd al-mi'a, 121e question. Kam marra ra an-nabiyyu sallallahu alayhi salam Jibril ala suratihi. Combien de fois Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il vu Jibril sous sa réelle apparence, sous sa vraie apparence? Il dit deux fois. Dalil qawluhu ta'ala laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratin muntaha. Qu'il a vu une autre fois près du sidra muntaha, c'est l'arbre qui est avant le Jannah, lorsqu'il est monté aux cieux. Surat al-Najm, l'étoile. Verset 13 à 14. Et قالت عائشة قالت را جبريل عليه السلام في سورته مرتين. Alors le Bukhari, qu'il est rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril deux fois. Donc la première fois, ce fut lorsque la révélation lui vint, lorsqu'il était encore marié à Khadija radhiyallahu anha, et qu'il allait s'isoler dans la caverne pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que Jibril est parvenu et est venu avec les cinq premiers versets de surat Iqra al-Alaq. Donc là, il l'a vu, il a eu peur de lui. Et il a vu sa réelle apparence. Et la deuxième fois, apparemment, serait lorsque Jibril, il y a une autre fois, il est sorti justement à un autre hadith qui cite qu'il est sorti et qu'il a encore vu Jibril assis sur une chaise et que là il lui a fait descendre Al-Muddathir. Al-Muddathir. Et ensuite, lors de l'ascension, est-ce qu'il a vu sa réelle apparence? Ça, ce n'est pas cité. Pourtant, le verset dit là qu'il a vu Inda Sidrat al-Muntaha. Et ça, c'était justement Sidrat al-Muntaha lorsqu'il est monté aux cieux. Donc, faudrait voir si cela correspond réellement avec la dilesse, il n'y a pas d'explication qui se donne. qu'Allah se laisse apparaître trois fois. Wallahu ta'ala a'lam. طيب المهم بعد هذا قال في السؤال الثاني وعشرين بعد المئة ثم deuxième question لمن تدعو الملائكة أجنحتها لمن تدعو الملائكة أجنحتها pour qui est-ce que les anges reposent leurs ailes قال لطالب العلم pour l'étudiant en science et bien évidemment celui qui est sincère et qui recherche la science légiférée d'une façon légiférée والدليل حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبه رواه الترمذي que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit que les anges reposent ou abaissent leurs ailes pour celui qui recherche la science par agrément de ce qu'il recherche. Donc cela montre la grande valeur de l'étudiant en science, que pour lui les anges abaissent leurs ailes. نعم ثم قال في السؤال الثالث وعشرين بعد المئة ثم troisième question من هو الملك الموكل بالقطر أي المطر والنبات qui est l'ange qui est chargé de faire descendre la pluie et de faire pousser la verdure tout ce qui sont les plantes et autres قال هو ميكائيل on l'appelle ميكائيل et le dalil c'est un hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhu qui est le même approximativement le même hadith que nous avons pris par rapport à Jibril lorsque les juifs ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ils lui ont dit nous t'interrogeons à propos de cinq choses si jamais tu nous en informes nous croirons que tu es un prophète et ainsi de suite et ils le demandèrent qui est ton allié. Et là, il répondit Jibril, comme nous l'avons dit auparavant. Et là, il dit Jibril, ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوهنا. Il dit Jibril, celui qui est descendu avec la guerre et le combat et le châtiment, c'est notre ennemi. ثم قال لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان أنزل الله عز وجل. من كان عدواً لجبريل فإنه إلى آخر الآية. Et après les juifs après, lui dire si jamais tu avais dit Michaël, car c'est lui qui descend avec la miséricorde et qui apporte la verdure et qui descend la pluie. Puis le verset descendu ou descendit. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'apparence qui parle du hadith, c'est que ce sont eux qui l'ont informé de cela, mais qui devaient probablement déjà le savoir, mais il n'a pas contesté, ce qui prouve que Mikaïl est bien l'ange qui apporte ces choses-là. Sama qala fi sual Rabi' wa 20 ba'd al-mi'a. Sama quatrième question. Man huwa al-malak al-muwakkal bin-nafkh fi as-sur, qui est l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe. Le souffle dans la trompe, à la base, comme cela viendra par la suite, inshallah, il y a deux souffles. Celui qui va faire que les gens vont tous mourir et celui qui fera que les gens vont tous se réveiller. Il y a un premier souffle dans la trompe, celui de l'heure, quand tout sera foudroyé. Et le deuxième souffle dans la trompe, c'est lorsque tout le monde va se réveiller de sa tombe. Quand lorsque tous les hommes vont sortir de leur tombe. Donc, cet ange, c'est Israfil, il s'appelle Israfil. C'est une chose qui est connue auprès des ulama. Il y a un hadith long qu'il a cité, mais il n'est pas authentique. Quoi qu'il en soit, ce qui est connu chez les ulama, c'est que c'est lui. Israfil, c'est l'ange qui souffle dans la trompe. ثم قال في سؤال الخامس والعشرين بعد المئة من هو خازن النار qui est le gardien du feu. قال في الجواب هو مالك un ange qui s'appelle مالك عليه السلام ودليل قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون lorsque les gens de l'enfer diront qu'ils appelleront Malik en disant que ton Seigneur nous achève, c'est-à-dire dans le châtiment du feu, tant nous souffrirons qu'ils demanderont la mort. Et Malik leur dira, vous y serez éternellement. Az-Zukhruf, verset 77. Et dans le hadith de Samura ibn Jundub, qu'un homme avait vu un rêve, ou plutôt que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé, Hel ra ahadun minkum roya. Est-ce que l'un d'entre vous a vu un rêve? Et dans ce rêve, le Nabi sallam, أنه رأى رجلا حول النار يحشها ويسعى حولها فقيل له هذا مالك خزن النار. Et dans ce rêve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y avait un homme qui était près du feu et qui animait ce feu ou allumait ce feu, et il lui fut dit que c'était Malik. Donc dans le feu de l'enfer, il y a un ange qui est son gardien, qui s'appelle Malik. ثم في السؤال السادس والعشرين بعد المئة 126e question. قال من هما الملكان الموكلان بالسؤال في القبر. Qui sont les deux anges qui sont chargés de l'interrogation dans la tombe, ce qu'on appelle fitnat al-qabr, l'épreuve de la tombe. Et eux, ils s'appellent Munkar ou Nakir, alayhi as-salam. Munkar et Nakir. Et certains ulama disent que ce ne sont pas des noms, mais des descriptifs. Les deux anges qui descendent lorsque chaque homme est dans sa tombe et le font asseoir et lui disent qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Ces deux anges-là s'appellent Munkar et Nakir, ce qui apparaît comme étant le plus probable, mais il y a une divergence. Certains disent que non, ce sont juste des descriptifs et non pas des nominations. Wallahu ta'ala a'lam. Fabien Delcon Naktafi. J'ai oublié de citer le hadith, le dernier par rapport à ces deux anges-là, c'est le hadith d'Abu Huraira. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait Kubira al-Mayyit, ou Kale Ahadukum, Atahuma al-Aken Aswadan Azrakan, Yukaru li-Ahadihima al-Munkar, ou li-Akhar al-Nakir. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsque l'un d'entre vous sera enterré, mort, que les deux anges lui viendront, deux anges qui sont noirs et bleus. L'un d'entre eux est nommé comme étant un Munkar et le deuxième comme étant un Nakir. Wa akada. Fa ila huna wa alhamdulillahi rabbil alamin.